graus para Évora, Beja 41, Castelo Branco 40, 39 para Bragança e também para Porto Alegre, 37 graus Vila Real e ainda Santarém, Setúbal 36, Viseu 35, Braga, Guarda e Faro 34, Lisboa a máxima é de 33, Penhas Douradas e Coimbra 30, Leiria 26, Funchal 25, 24 para Viana do Castelo, 23 graus Ponta Delgada, 22 Porto e Aveiro. Antena 1. Votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia la planète et la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et nous on a passé un superbe week-end avec vous à la fête des Santos Populaires. Vous étiez nombreux et nombreuses, un grand merci à tous et merci d'avoir été là aussi nombreux. Merci à tous les bénévoles, aux animateurs radio, aux artistes et à tous ceux qui ont organisé ce bel événement. C'était ce week-end à Lignerolles. Merci également à la mairie de Fleury-les-Aubrais. Vous étiez vraiment, vraiment nombreux. On a fait vraiment la fête avec vous. Merci du fond du cœur, du son qui arrive avec Guido, le Megamix. Belle journée et bon réveil sur le 96 FM. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 7h-9h, votre réveil matin, c'est Francky. 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Sous le soleil aujourd'hui, puis je peux dire qu'il va briller 20 degrés pour démarrer cette matinée. Le soleil est déjà là et on va dépasser les 30, 31 degrés avec du soleil toute la journée. Voici Kenza Farah. Je veux

fuerza cuando mueve todo. Y ya mueve los pies, ya mueve la cabeza. Con mucha destreza se roba y el show. Así, así, ay, así. Modela tu cuerpo con paz de mi mambo. Y cuando tú bailas tanto, la noche es perfecta. De rumba buena. Así que muévelo, muévelo, que no pare la fiesta. La noche es perfecta. De rumba buena. Así que muévelo, muévelo, que no pare la fiesta. 7h09, c'est Funky dans la radio. On vous souhaite une belle journée sous le soleil, je vous dis, jusqu'à 30 degrés. Bravo, filles, au football. Ouais, les bleus, les filles de l'équipe de France qui ont gagné face à l'Italie. 5-1. Bah voilà, bravo les filles. C'est bien parti, hein, l'Euro. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Bah oui, on vous réveille hein, jusqu'à 9h, ça c'est sûr, avec le tube de l'été 1986. Mario, Émile et Image, maintenant devenus, ouais, reformés avec le groupe Gold. Mais ça, c'était les débuts, le vrai groupe Image. Qu'on adore, voici Les Démons de Minuit, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Quel tube, 1986, Les Démons de Minuit. Coucou à Dodo, qui est, Doudou, pardon, qui est connecté du côté d'Orléans. Salut mon ami. Et merci d'avoir été présent hier, à la grosse fête hier, les Santos Populaires. Vous étiez nombreux samedi, dimanche. Merci à tous les bénévoles, merci aux artistes. Merci à vous, le public. Voici Maldon. aussi je le fais, hein. Ça va appeler tous les clébards de la région, ça. Louisy, Joseph, Lynch, Fanny, Maldon, la musique dans la peau. Belle journée, bon réveil sous le soleil de la radio, on vous l'a dit. Jusqu'à 31 degrés, peut-être aujourd'hui en vacances. Alors au boulot, vous allez à la porte du bureau ce matin. On vous emmène avec le soleil qui est au rendez-vous. Et puis du son, voici Purple Disco Machine. Belle journée et bon réveil sur l'arc-en-ciel. sent la funk, le disco. Ça donne envie de danser. Ça, c'est dans toutes les bonnes boulangeries. Le matin, vous pouvez le trouver. Rise, c'est le tout nouveau Purple Disco Machine, le DJ allemand qui cartonne en ce moment, qui a la cote. Hein. Ouais, sur Internet, il monte, il grimpe. 7h32 minutes. Ils seront avec nous au téléphone tout à l'heure. On sera en direct avec les pompiers d'Orléans. Ce sera le capitaine Gardia qui va nous parler des dangerosités de la Loire. Eh ouais, malgré le beau temps, on a tendance à vouloir se baigner. Hein. Bah ouais, c'est tentant, c'est vrai. Mais la Loire est très dangereuse. On en parlera tout à l'heure au téléphone avec le capitaine Gardia à Orléans. Ce sera notre invité à 8h15. Salut Francky, belle journée à toi, merci pour cette belle fête samedi dimanche. Bah ouais, on a fait la teuf, hein, c'est Alignon, la fleur et les Aubrais, la fête des Santos Populaires, vous étiez nombreux, il y avait un monde de dingue. Oh là là, merci aux artistes, aux bénévoles, merci à la radio Arc-en-Ciel, merci à la mairie de Fleur et les Aubrais, voilà, vous étiez vraiment, vraiment très très nombreux. L'épopée du disco, il l'a marqué, il a créé d'ailleurs le disco en France sur la planète Sharon avec Super Nature. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous avez un petit message ce matin, pour l'été à passer, eh ben, n'hésitez pas. 02 38 43 48 00. Et le dieu du disco, les boules à facettes sont sorties. Ou d'autres boules, comme vous voulez. Voici Sharon et Supernature. Aussi. En tout cas, bonnes vacances à vous. Si vous êtes sur Orléans, Pithiviers, Fayolloges, le soleil va briller aujourd'hui. Dernier jour du disco. Là, on a eu Sharon qui a créé le disco. Et puis Juliette qui parle du dernier jour. En tout cas, on l'adore, la radio. Voici Juliette Armanet. Dernier jour du disco, 7h42. Coucou à Laetitia qui est connectée du côté de Toury. Salut Laetitia, belle journée à toi. Sous le soleil de la radio. Et le dernier jour du disco. Salut à Benoît qui est direction Paris. Ouais, il va visiter une petite radio, je pense, mon petit Benoît. La bande FM du Loiret qui nous écoute. Je veux le saluer, mon ami Benoïd qui va sur RFI. Salut mon poteau. Disque de diamant. Ben ouais, Kevin Kinvey. Ouais, c'est pas la fée, non, c'est disque de diamant pour août été. Voici le nouveau Kinvey sur Radio Arc-en-Ciel. Tu reviens, ce n'est pas la peine, je sais qui t'es maintenant. C'est quel genre de toupé, t'as eu ta chance, t'as loupé, c'est quel genre de toupé, t'as cru que j'étais ta poupée. Redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile. Redis-moi où t'étais, bah ouais. Redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile. Redis-moi où t'étais, bah ouais. Redis-moi, redis-moi. Redis-moi où t'étais, redis-moi, redis-moi, hey, redis-moi, redis-moi où t'étais, redis-moi, reviens comme si de rien n'était, comme si t'étais jamais parti. T'es la moustique en été, tu crois venir gâcher ma vie. Chaque fois que tu es endetté, malgré tout, je n'en suis pas ravi. Mais si t'es venu pour gratter, écoute bien ce qui suit. C'est quel genre de toupé, t'as eu ta chance, t'as loupé, c'est quel genre de toupé, t'as cru que j'étais ta poupée, redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile, redis-moi où t'étais, bah ouais, redis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile, redis-moi où t'étais, bah ouais, redis-moi, redis-moi, redis-moi, redis-moi où t'étais. Je suis là tous les matins pour vous réveiller, en tout cas pour le mois de juillet. Je serai là pour vous accompagner jusqu'à 9h avec le beau temps. Aujourd'hui 31 degrés. Et malgré le beau temps, attention, les baignades dans la Loire sont interdites, hein, à moins que ce soit surveillé, comme l'île Charlemagne par exemple. Justement, les pompiers d'Orléans seront avec nous au téléphone le 10 du Loiret. Le capitaine gardien sera avec nous à 8h15 pour nous parler des dangers de la Loire si vous vous baignez. Alors, soyez très prudents. Justement, des bons conseils tout à l'heure à 8h15 avec le capitaine. Et puis du son qui arrive, il y a du soleil. Ouais, il y a des nanas. Peut-être, en tout cas des mecs aussi sur Orléans. On vous souhaite une belle journée. Voici le Voulou Yans. Après clic clic pompon, il revient avec ça. J'ai pas le saut, mais je veux sortir faire la fête. J'évite les problèmes, les embrouilles, les casse-têtes. Je veux me tailler sous le soleil, emmener ma chérie, mes collègues. Mets du bon son dans mes oreilles. Allez là où le vent me mène. Pour sortir toute la night, ça claque le pas, appel cocktail champagne en boîte. Y'a toutes ces bombes qui mettent en avant leurs atouts. Tous ceux qui bougent, qui s'ambiancent, qui savent faire les fous. Y'a du soleil et des nanas. Jusqu'à 6h du mat, j'entends les pimpons, les pompiers. Ils sont fatigués, on n'est pas fatigués. Y'a du soleil et des sont fourrés jusque là, da, la, di, la, da. Ça me rappelle les géocultures. C'était bien ça. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Belle journée sous le soleil, le capitaine Gardia qui sera avec nous. Vous ne ratez pas l'interview tout à l'heure à 8h15 sur Orléans où ça brille. C'est ce que nous dit Joseph. Joseph qui est à Pithiviers. Salut Francky, belle journée. Merci pour le son caliente. Bah ouais, on est là pour vous réveiller, ça fait déjà 7 ans. Merci à vous, le public fidèle. that if I in situation, I go use the tell her mellow. Finally, I find a way to talk to the girl, but she ain't no one follow. We open the phone for one, mm-hmm. Why you know my phone for one, mm-hmm. And I start to feel a bumbo one, mm-hmm. She dey give me small, small one. I know, since she start to pass it down one, mm-hmm. Cause she feeling insecure, cause her friends put the gummer like you go up. Body put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Tell you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me younger, oh younger. No tell me no, no, no, y no. Y no te voy a negar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your love, love, love. Follow me, suivez-moi jusqu'à 9h, ça c'est sûr, je vous accompagne. Coucou à André qui m'a dit, ça y est, Francky, je t'ai enfin vu, j'avais pas vu ta tête depuis le temps. Bah ouais, il nous écoute à la radio tous les jours et bah il m'a vu sur scène. C'était dimanche, ouais, pas la petite présentation. Merci à tous, merci à Radio Arc-en-Ciel, merci à la mairie de Fleury-les-Aubrais, merci à tous les bénévoles qui ont œuvré, merci à vous du fond du cœur. Et puis les artistes aussi qui ont mis le feu sur scène. 0238 43 48 00, c'est le numéro du soir si vous voulez nous témoigner de cette beau week-end. Le Canada qui est à l'honneur ce matin avec Céline Dion pour se réveiller tout en douceur avec Prière Païenne. Je m'oubliais dans un peu aussi. C'était un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'ai. J'espère tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma vente, mais pas le ciel. Il m'entend pas, mais pas le ciel. Pour moi. Quand je me réveille, je suis ça. Caribou, Céline Dion, salut à Jérôme qui nous écoute du côté d'Olivet, salut Francky, belle journée sous le soleil, et il sera avec nous, tous les dit tout à l'heure à 8h15, c'est le capitaine gardien du SDIS Loiret. Les pompiers vont nous parler justement des dangers de la Loire en ce moment, parce qu'on a envie de se baigner, on se dit ouais, on va plonger, mais attention, c'est très dangereux, on peut pas se baigner, ça c'est clair et net, à part dans les zones surveillées. Justement, un petit clin d'œil à nos amis pompiers qui nous écoutent, voici l'incendiario, et c'est Sacha Distel. L'usine de café, il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux? Alors c'est la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux? L'incendie là-bas fait rage, et le ciel est noir de fumée, et tous les gens dans les étages se disent mais que font les pompiers. Il n'y a plus de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui mais voilà, pendant ce temps-là crier. Est-ce qu'on a fait les tuyaux? Et on s'est la grande échelle. Est-ce qu'on a fait les tuyaux? Pas panique, il nous les faut. Au petit matin, on le devine. Tout le quartier avait brûlé. Sur les centaines de mètres carrés, quand tout à coup, dans le jour blême, on vit à courir un pompier qui s'écria, je viens de la part du capitaine, pour dire de ne pas vous énerver. On a retrouvé les tuyaux. C'était pour les nostalgiques, nos amis pompiers qui ont beaucoup de boulot en ce moment. On les salue au passage. Salut aussi mon ami Benoît qui est parti à Montmartre visiter RFI. Salut mon ami la bande FM du Loir. Allez voir son site, il est énorme. Du son sur la route peut-être, du boulot aujourd'hui avec des températures plutôt pas mal. Et on s'est réveillé avec 15 degrés. On va quand même dépasser les 30 voire 31 degrés avec du soleil toute la journée sur le Faubourg Bagnier, sur Fleury-les-Aubrais, sur Orléans, sur Pithiviers, sur Fayologe. Voici Monsieur de Palmas et sur la route. Belle journée et bon réveil. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Suis seulement jamais plié dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude. Bon. route, il doit être sur la route du boulot aussi. C'est Monsieur Feria qui est avec nous au téléphone. Bonjour, bon dia. Bon dia. Comment il va bien, Monsieur Feria? Ça va. Ça a été hier la soirée des Santos Populaires. Ça pique. Ça pique, hein, ce matin, hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Et on peut pas faire la fête et puis être au boulot le lendemain, hein. Ah bah oui, hein. Bon, vous avez passé une belle après-midi quand même, on s'est croisés hier à la fête, ça a été. Bah oui, t'as vu ça? Il y a eu du monde, hein. Voilà. T'as vu avec la petite et tout? Ah ouais, j'ai vu ta petite dernière là pour la première fois, ça m'a fait plaisir, mon ami. T'as vu? Bon, au travail aujourd'hui, monsieur Ferrien? Ouais, on travaille là. Eh ouais, jusqu'à quand, avant les vacances peut-être? Bah, bientôt. Bientôt, ça part où? Au Portugal cette année? Non, je pars pas au Portugal. Non, il reste en France. Ouais. Bah, tu vois, moi, c'est l'inverse. Moi, je vais partir au Portugal. Bon. J'ai mon petit passé en musique pour les camarades qui sont avec Mohamed, Raphaël, Clementine et Bagdad. Ok, on va leur passer un petit son, hein. Ok, on va se trouver ça. Allez. Passez une belle journée, les mazis. Ouais. Salut la famille. Vous aussi, vous pouvez nous appeler avant les pompiers d'Orléans qui seront avec nos téléphones dans moins de 10 minutes de Palmas sur la route. Et ben, un peu de Latina pour la famille, Monsieur Faria. Voici Daddy Yankee, histoire de bronzer un petit peu le matin au réveil avec Loque Paso. Paso, belle journée. Latina avec celui qui arrête sa carrière, ça y est, après 28 ans, Daddy Yankee qui met un fin à sa carrière, en tout cas là, il a pas mal de titres et de bons titres, notamment celui-là, Loque Paso, Paso, belle journée sur Orléans, Fleury-les-Aubrais, La Source, ou encore Saran, on nous écoute sur le 96.2 FM, vous serez toujours les bienvenus chez nous, à la radio, ouais, en tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances, sous le soleil de la radio, voici Florent Pagny, un petit clin d'œil à lui qu'on adore. Longtemps quand la pluie fait rage, qu'on porte les ombres.

7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Si vous allez voir le film, si vous ne l'avez pas vu encore, il meurt à la fin. Voilà, j'ai un peu tout planté le décor. 8h17 en direct ce matin. Merci d'être aussi nombreux comme tous les jours à nous écouter. 96.2 FM, c'est Francky dans la radio. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et il fait beau, il fait chaud, plus de 31 degrés aujourd'hui. Vous allez peut-être être tenté d'aller vous baigner dans la Loire. Et c'est très très dangereux, c'est même interdit. Justement, pour nous en parler ce matin, direction le 10 Loiret avec le capitaine Gardia qui est avec nous au téléphone. Il va mieux nous expliquer les dangers de la Loire. Bonjour mon capitaine. Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin ? Très bien. Avec cette chaleur, on est bien ? Oui, on est bien. C'est ce que je disais au début de l'émission, la Loire est belle, la Loire donne envie de se baigner, mais il y a danger mon capitaine. Oui, c'est exactement ce que vous avez dit. Alors, vous avez repris le fait que la Loire est interdite à la baignade, mais c'est ce que vous avez dit en préambule, c'est qu'elle est dangereuse. Eh oui. La Loire, elle est dangereuse, puisque alors, c'est paradoxal, parce qu'elle est facile d'accès, on a chaud en ce moment, on a envie d'aller se tremper au plus près, et que ce soit à Orléans ou aux alentours dans la Loire, mais elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour diverses raisons, et quelle que soit la saison. Déjà, le fond de la Loire est très irrégulier. Hein. On a tantôt des pierres, tantôt du sable. Ouais. Les hauteurs d'eau varient d'un jour à l'autre. Le débit d'eau aussi. Et malgré sa relative tranquillité en ce moment, il y a toujours du courant. Et on appelle ça les tourbillons, c'est ce qu'on dit. Il y a beaucoup de tourbillons dans la Loire et qui sont justement très dangereux. Oui. Alors, il y a plusieurs choses particulières. C'est comme le sol est plutôt calcaire, on a plutôt tendance à avoir des trous qui se forment. Alors il y a deux types de trous. Il y a le trou qui se forme parce qu'il y a eu un petit effondrement et ça peut être un trou d'eau qui est d'un diamètre peu conséquent, mais qui, quand on marche au bord, eh ben, on peut boire la tasse puisqu'on tombe dedans. Mmh. Et puis il y a aussi le trou qu'on appelle BIM, ou tourbillon comme vous évoquiez, et où finalement l'effondrement vient communiquer avec le passage de l'eau en souterrain, parce qu'au niveau d'Orléans, il y a énormément de quantité d'eau qui passe en souterrain. D'accord. Et là, justement, comme on parle de l'effet un peu siphon, c'est ça qui est dangereux, on c'est peut être aspiré. C'est tout à fait ça. Voilà. Hein. C'est tout à fait. Pas uniquement cela, mais c'est une des particularités de la Loire avec ce phénomène d'aspiration, et où même si on peut s'en sortir suivant la taille des bimes, et ben quand vous êtes surpris et quand vous vous retrouvez accidentellement dans un trou ou dans un siphon, c'est quand même relativement dur de s'en sortir. Il y a quand même l'effet de surprise qui nous fait boire la tasse une fois, deux fois, et ça peut devenir problématique ensuite. C'est ce qu'on dit, c'est ce que je disais, c'est ce que vous dites, hein, la Loire en baignade est strictement interdite, hein, malgré les accès. C'est vrai qu'on peut accéder à la Loire par divers endroits, que ce soit sur le pont Georges, le pont Joffre, etc. C'est vrai que c'est tentant avec ces chaleurs, mais comme vous le disiez, donc on est recommandé de ne pas se baigner, à part, je crois que c'est l'île Charlemagne qui est surveillée. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce qu'on dit, hein. Est-ce qu'elle est surveillée? Le Loiret fait beaucoup d'efforts pour donner l'accès aux cours de natation et à la baignade. Donc, il y a quand même beaucoup de plans d'eau sur le Loiret, hein, que ce soit l'île Charlemagne. Il y a l'étang de la Vallée, l'étang des Bois, le lac du Guéobiche à Chalette. Enfin, on a de quoi aller se baigner en toute sécurité dans des zones sécurisées et surveillées. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et surtout, pas de baignade sauvage, comme on appelle ça. Hein. Non, pas de baignade sauvage. Vous voulez aller faire un petit tour sur la Loire, rapprochez-vous d'un professionnel, allez faire du paddle et du canoë encadré par un professionnel, mais surtout pas de baignade. Voilà, même si on est un bon nageur, parce qu'il y en a, ils savent très très bien nager, même si on est très très bon nageur, même si on maîtrise, ça peut vite nous emmener, hein, mon capitaine. Ça peut vite nous emmener, il y a toujours du courant, beaucoup de virages aussi dans la Loire, il y a beaucoup de rétrécissements, d'embâcles, hein, c'est des débris qui sont apportés par le courant, dans lesquels on peut se coincer. Donc non, même un bon nageur, allez nager ailleurs. Voilà. Ben merci mon capitaine pour ce témoignage ce matin. Et puis un grand merci, c'est ce que nous dit Elodie. Merci à tous les pompiers qui font un boulot énorme tout le temps, toute l'année. Voilà, c'est le petit message. Merci à vous de relayer notre message de prévention. Et avec plaisir, on se recontacte dès que vous avez des messages. On est là pour ça, voilà, pour informer nos auditeurs. Merci mon capitaine. Passez une bonne journée. À toutes et à tous. Au revoir. FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Richie Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce poesía, lleno de romance y alegría. De bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que si tomo no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte siempre, amarte por siempre? Mi niña bonita, niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo, mi niña bonita, día de lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios me dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Sous le soleil de la radio arc-en-ciel, on vous l'a dit, la météo est plutôt pas mal aujourd'hui, même très très bien. De fortes chaleurs sont attendues toute cette semaine. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est pas du tout nuageux, du soleil et encore du soleil. Les températures du jour sont plutôt pas mal. On a démarré à 18, 17 degrés et ouais, on va dépasser les 30, 31 degrés. Une semaine assez caniculaire, donc n'hésitez pas à vous rafraîchir, à boire beaucoup d'eau et aussi à s'occuper des personnes qui sont seules. Si vous connaissez une petite dame ou un petit monsieur qui est tout seul, eh bien n'hésitez pas à aller frapper à sa porte, voir si tout va bien, s'il a besoin d'eau, quoi. Voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. dire, et peut-être les vacances pour vous. Steph, qui est parti en Vendée, qui nous écoute sur le net, 96.2 FM sur Orléans, mais sur le net, vous pouvez nous écouter, vous tapez Radio Arc-en-Ciel sur le moteur de recherche. Et Steph qui nous souhaite de bonnes vacances, il est en Vendée, il a déjà ce matin 29, 30 degrés. Et voilà, ça brille, le soleil en tout cas sur Orléans, Pithiviers, Fayolles ou encore Mains-sur-Loire. Du soleil et encore du soleil, bah, du Brésil. Il fait 35 au Brésil en ce moment. Bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal avec Michel Tello. Mossa, Mossa. Aceito pera para. Bon, je chante n'importe quoi, c'est pas grave. Belle journée avec Arc-en-Ciel Orléans. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Estamos ready, ya lo sabes que no hay marcha atrás. Esta noche vamos, baby, pa' gozar. Si le das, si le das, si le das. Cuatro botellas, cubata le da. Toda la noche no vamos a parar. Estamos calientes, sube la mano. Arriba, arriba. Y si se me pega, no hay duda. Esto sí que es pura locura. Vamos, súbete la mano. Arriba, arriba. Un, dos, tres, esta fiesta va a prender. Oye, ¿cómo te llamas, mamacita? Ven, ven, ven, chupitito, ven. La peña le está duro, vamos para bailar. Rompe la bocina y dale, dale sin parar. Que en la noche está dura y vamos. Mamacitas la rompen aquí en la discoteca. Limón, sal y tequila, chupito pa' bailar. La peña está de fiesta, arde la discoteca. Todo el mundo se la goza, la que se va a liar. Sabe ya cómo la peña se lo monta. Dale duro que te rimo pa' que rompa. Sabe ya cómo la peña se lo monta. Dale duro que te rimo pa' que rompa. Y si se me pega no hay duda. Esto sí que es pura locura. Vamos, súbete la mano. Arriba, arriba, un, dos, tres, esta fiesta va a prender. One, two, three, move your body, feel the heat. ¡Sí! Décidé de faire de moi sa femme. Non, ma vie. j'ai mis du temps à te trouver. Dans toi et moi, c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi chanter devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Que aujourd'hui c'est mon jour, j'avais parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Non, m'a dit Gokate, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, t'aimer. Exprimer mon amour, je vais juste aimer. Tell me no, no, no, no, whoa, whoa, whoa, whoa. avec Faladon, suivez-moi ce matin jusqu'à l'aube. On vous emmène jusqu'à 9h, ça c'est sûr, avec un petit remix des années 80, histoire de vous rappeler de bons moments de ces meilleures années, avec les débuts de soirée, version 2021, 8h46, belle journée, sous le soleil, 31 degrés à Français-Lorléans. Y a pas de saison pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le son. En marchant, tu donnes une cadence à tes pas, tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça, tant de choses grâce au son tu connaîtras. Numéro 1 des clubs quand même en 88 avec ce tube remasterisé 2021, début de soirée avec Nuit de Folie sur Radio Arc-en-Ciel. Bah, la Nuit de Folie, vous la vivez en ce moment avec le groupe Collectif Métissé, toujours dans les clubs. Baila, baila para mí. 52 en direct sur Radio Princelle Orléans, 96.2 FM. Il cartonne partout en ce moment sur la France. Hein, le collectif métissé arrive à Codolo. Notre invité surprise qui arrive, bougez pas, elle arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et oui, on ne pouvait pas finir l'émission sans parler de ce beau week-end, samedi et dimanche. C'était énorme, il y a du soleil, il y avait du monde, il y avait tout ce qu'il fallait pour réunir cette belle fête de la radio Arc-en-Ciel, les Santos Populaires. Et justement, la présidente de la radio, Christine, qui va nous en parler. Bonjour Christine. Bonjour Francis. Ça va, la forme ce matin? Oui, bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde. La forme, elle est un petit peu, elle manque un petit peu, mais voilà, quand on marche avec passion, rien ne nous atteint. Donc effectivement, ouais. Je voulais remercier tout le monde, remercier le public, les animateurs, tous les bénévoles, tous ceux qui ont œuvré pour le résultat et puis la cette fête qui était vraiment exceptionnelle. Je pense qu'on a été victime de notre succès. On s'attendait pas à autant de monde, on s'attendait pas à un tel succès. Et puis bravo à tous. Bah, il faut remercier aussi le ciel, parce qu'il a fait beau. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, justement, les saints populaires étaient là avec nous. Voilà. Après, ça dépend quel saint. Hein. Il y en a plusieurs des saints. Il y en a beaucoup des saints dimanche aussi. Hein. Voilà, c'est la petite blague du matin. Hein. Voilà. Tout à fait, ça avait raison. Et il faut rigoler. Effectivement, oui, je voulais remercier tout le monde, et surtout la mairie de Fleury-les-Aubrais, d'avoir été à nos côtés. Les élus ont passé une journée exceptionnelle avec nous, et c'était très important. Sur le service de sécurité, la police municipale qui a fait un travail exceptionnel aussi, et surtout les bénévoles qui ont travaillé au chaud, parce qu'on ne les oublie pas, parce qu'être aux grillades de ce temps-là toute une journée. Ouais, j'ai vu, je suis passé, hein, les grillades, ça devait être chaud derrière. Hein. Ah ouais. Tout à fait. Les dames en cuisine, c'est pareil, les messieurs au bar, chacun a tenu son poste. Mmh. Et je voudrais juste préciser qu'on n'est que des bénévoles, uniquement des bénévoles. On travaille pour tous ceux qui ont passé un très bon week-end, mais Radio Arc-en-Ciel le vaut. Radio Arc-en-Ciel mérite ce travail exceptionnel que tout le monde a fait. En tout cas, t'as dû trop parler parce que la voix, elle est un peu cassée ce matin, ce lundi. Voilà, c'est ça. Mais ça valait le coup, sincèrement. Merci à vous tous. Voilà, bah, merci Christine de ce petit message. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bonne semaine à toi, sous le soleil, 31 degrés aujourd'hui, on va bronzer encore. Tout à fait. Merci et bonne journée. À bientôt. Voilà le petit message de la présidente de la radio. Belle journée, on se retrouve demain à partir de 7h sur Radio Arc-en-Ciel.

radar da Proteção Civil, a esta hora, o incêndio de Ourém, que começou há 4 dias e que se estendeu a Ferreira do Zezre e a Alveazre. Também o incêndio de Val da Pia, no Conselho de Ancião, no Distrito de Leiria, onde vamos já a seguir com a reportagem de Joaquim Reis. São precisas reformas profundas e urgentes no Serviço Nacional de Saúde e aquilo que o Governo fez até agora não chega. Avisos do Conselho Nacional de Saúde, que lança hoje um relatório. No Reino Unido decide-se o futuro dos conservadores esta segunda-feira e em França a esquerda lança a primeira farpa, a Macron, com uma moção de censura ao Governo. Tempo quente em Portugal continental, céu pouco nublado ou limpo, nuvens altas e possibilidade de trovoada no interior do país à tarde. Madeira, sol, porém, com aumento de nebulosidade a partir do final da tarde. Açores, uma segunda-feira com céu nublado e abertas, menos nuvens no grupo ocidental de Ilhas Previsão.